maître des opérations, l'expert en la matière. kanina insoro makoyo kasanita Donato Kala Bali mweza na kola kimo bange suki sike kangiyo Oko koko bina nango tema Irimu Senzari Dudu Balu Marako wa mamari Charlene Vagyama mama sexy Yoko prefere Tala tango turumpu yesi Kama kuna mataba ublaze mayeli Ima Balu Bali mweza lelo niya kizini Wala kizango tenza Maradi sirtu para butue Ina Bimbongo Atapo mishekele Suka seba tola ya koe wa mwe Kosta Kuleur Yoko koma kila u Koto sabalu wa miyosi alo Yoko koma kila u kizenga milenye Yoko koma kila u kizenga milenye Ibrahim Sako Yoko koma kila u kizenga milenye Freddy Lekasopo, jeune entrepreneur congolais L'éthique à Monangani, Aurélie Malila, sous le Botoko. Hugues Golondelé, monsieur le maire, héritier Kassongo, Dani Ntambuka. Maman, amour, chéri amour, bébé amour, allez amour, Didi. Maman, elle est pendue, Didi Franck. Elle est pendue, vous Lyondela. Elle est pendue, la fouille. Yamuma, Bibi Kelly, Fabro Fabrega, Helene Fandina Gade, Daina Monambuama, Helene Fentena Fumali, Tomate Supani, Yamuma, Sandra Kazadi, Mama Mourinho, Pizza Kavia, Helene Yatena Yukoma. Papi Jaguar, mon amour plein de magie. Gloria Nzada Voila, à la vitesse idéale. Jean-Jacques Rosy, les consuls suspects. Pour un repas d'excellence dans le paradis. Viens-nous tout manier, Viagra de nouveau, Amiga comme un papa. Viens-nous tout manier, Viagra de nouveau, Amiga comme un papa. Attraction vers le verre, un concombre, un acrevé, t'es salivé le tout.